cadets tremblants se hâtaient. Soudain on leur crie : arrête, la bourse sous la vie. C'était deux bons voleurs en guinguette. Farilou, Farila, Farilette. Un voleur saisit cadet. Comme une omelette, vous faisait tourner cadet. L'autre voleur plus honnête tenait Babella serrée. Chiffonnait sa collerette. Farilou, je me meurs, disait cadet, je me meurs, disait Babet. La rirette, la rirette, la rirette, la rirette. Tous ses yeux hors de la tête, il revint chez lui cadet, toute pensive et muette. Babet lentement le suivait, le soupir le pauvre Farilou. Je n'y reviendrai plus, Babet. Moi, j'y reviendrai, cadet. La rirette, la rirette, la rirette, la rirette. À nous, mesdames, à nous.